gagneront un peu d'amour. S'ils n'en ont pas, ils s'envoleront. Mais ils n'ont jamais volé, ou si pas, ils se sont écorchés le nez. Mais est-ce que tu es bien caché? Est-ce qu'on souffre quand le cœur s'arrête? Est-ce qu'on souffre quand le cœur s'arrête? Il fait noir comme à l'intérieur des pierres. Il fait noir quand le cœur s'arrête. Embrassez-le, libérez-le, protégez-le. Embrassez-le, libérez-le, protégez-le. Mais est-ce que tu es bien caché? Est-ce qu'on souffre quand le cœur s'arrête? Est-ce qu'on souffre quand le cœur s'arrête? Mais à trop attendre, il est trop tard. Ils ne tiendront qu'un petit corps au cœur qui s'arrête. Ils auront beau pleurer, ils auront beau regretter, il n'y aura personne pour pardonner. Est-ce que tu es bien caché? Est-ce qu'on souffre quand le cœur s'arrête? Est-ce qu'on souffre?